je vais demander un D6 à tout le monde, juste pour savoir à qui qu'on commence. 2, 2, 6! 6! Fait 2, 2 puis 6. J'ai l'impression que tu vas pas avoir besoin. Non, je sais, c'est pour ça. Je sors ce que j'ai. Pour ce que ok, parfait. J'avais fait ça avant de venir. Faut s'occuper de toi, faut ok, fait que. Finley avait passé une soixantaine de jours en prison, si ma mémoire est bonne. Pas plus que ça, hein, juste 60. C'est en masse. C'est en masse. Pour un DUI, là. Ah oui, c'est vrai, c'était juste le DUI qui avait été. Sauf que. Il aurait pas pu faire du community service pour ça. Une des conditions de son release. C'est que Finley doit, attend at least monthly meetings de AAs. AAs? Okay. C'est pas NA ou quelque chose de même, c'est vraiment AA, là, comme c'est un truc alcoolique. Ouais, ok. première question, est-ce que is Finley still drinking and going to AA meeting, or is he actually... Non, il a sa chip, ah ouais, t'as ta chip, hein? J'ai ma chip. 60 jours, là. Je respecte les conditions, j'ai pas le goût de retourner en dedans, ça compromettrait ma carrière. Ok, parfait. Mais je continue à boire. Un peu moins. J'essaie de modérer un peu. Tu sais, les AA meetings m'ont aidé. T'as pas droit à ta chips d'abord, là. T'as pas droit à ton chip, là. Si t'as bu, là, J'allais pas prendre ta chip. T'as un période, là, des AA, là. Est-ce que tu vas. Non, j'y vais, pis tu sais, j'essaye, mais tu sais, je rebois de temps en temps, mais tu sais, des fois, moi, je sais. Tu tombes pas dedans. C'est ça, je retombe pas dedans comme je le faisais avant. Est-ce que tu vas à tes AA meetings. Est-ce que tu utilises ton vrai prénom ou un fake name? Norman Flynn. Norman Flynn, ok, Norman. So tonight, Norman, is your turn to actually take the stand and speak to the crowd. First of all, come on, Norman. Yeah, Norman, yeah, you can Norman, do it. You can do it. Norman, Norman, okay. Norman. Fait que tu t'en vas en avant puis t'as plusieurs addicts. C'est pas juste des alcooliques. C'est juste plein de addicts. So what do you talk? The stand is yours. T'as plusieurs personnes qui. Hi, my name is Norman, and I'm an alcoholic. Hi, Norman. Hi, Norman. Hi, Norman. C'est trop tard. Tell us about it, Norman. Yeah, Norman, tell us about it. Is it hard? You drink again? Did you beat your wife again? Ça, c'est Clark, c'est un... Crack addict. A crack addict. Let's speak, Clark. Spoken enough. Shut up, Clark. See what you did. I beat my wife yesterday. It was fun. Come on, Clark. Well, let Norman speak, man. Norman. When the going gets hard, what keeps you sober? Well, I try to think about my uncle from my mother's side, and well, he always was. Very strong against. He always took stands very strongly against drinking. And well, I think of him because he was a real role model for me when I was young. And can you tell us, if you're comfortable, can you tell us why did you start drinking, Norman? Norman, it's just wrong. Well, I'm not really comfortable to. Go into details, but you can do it, Norman. We're there for you, Norman. We'll always support you, Norman. You're not. Yeah, there. That's right. Hey, I'm the Kraken Clark. Yeah, you're the front, not beside me. Shut up, Clark the Kraken. Jake, I'm the Kraken. So ça va être un recurring NPC. Non, c'est moi qui m'a joué, est-ce que... Pas chaque fois, non! I'm Claude the Kraken. Je vais tellement arrêter d'y aller. I'm the wild card. Ok, ouais, donc, c'est quoi ma question? Yeah, why did you start drinking, Norman? Well, I did some pretty shitty things in my past. Some things I'm not very proud of, and I started drinking to forget them. But I understood in time that drinking is not the solution. I have to face who I was and what I did. C'est comme ça, on sent comme, amen, amen, yeah. Yeah, brother. You go, Norman. Woo, from the heart. Tell it like it is. Tu t'es comme la black woman dans le fond de la pièce, là. La sassy black woman. Tell it like it is, Norm. And I want to thank you all for your support. And these meetings have been helping me a lot. Classic description. Mais il devrait aller au VA aussi, t'as regardé? Fait que là, je step down, c'est correct. Parfait. Fait que ça, c'était le petit personal life de Finley. C'est là. toi, c'était quoi tes bonds que t'avais déjà? Moi, j'ai mon uncle que j'ai mentionné sans dire son nom. Okay. J'ai mes former Force Recon Squad. J'ai mon Drill Sergeant Albert Cosby. C'est le gars qui m'a appris la discipline. Ok. Drill Sergeant. Ok, parfait. Ton oncle, il a une fille. J'ai une nièce. Okay. Shit. I don't like these bonds. C'est comment qu'elle s'appelle? Victoria. C'est ta famille. Hein? Toi qui décides, c'est ta famille. Je sais pas. Victoria! Vicky! Who fucking cares, man? D'accord. Est-ce qu'elle fiche? Elle a 16 ans. Shit. Just old enough to get in trouble. Ouais, ça mais. Bon, c'est mon oncle, puis j'ai 40 ans. So what? Okay. He's 60, puis je sais pas, là, il l'a. Sure, whatever. So she's 16. Shillian McCather. Okay, on va dire qu'elle a 19 ans parce qu'on est aux États-Unis et 21 c'est l'âge légal. Mm-hmm. Has a daughter. Kelly maintenant. Ah oui, Kelly c'est bon, ça fait Irish. Ouais. Ah, okay. Kelly McTaggart. Toi, c'est quoi ton prénom ou juste Finley, ouais? Ben, c'est Charles, mon vrai nom. Charles Finley, on se demande si j'ai pogné ça, hein, Calis. C'est ça, fait Chuck Finley. Ah ouais, c'est fucking Burn Notice, c'est ça. Faut pas chercher plus loin, c'est ça. Ok. Maudit copier. Kelly McTaggart. Your uncle calls you une journée où tu travailles pas par hasard. Une des rares nuits où tu travailles pas. He calls you because your niece has been running with a wild crowd. She's been, you know, like drinking beer, smoking pot, going to raves. Usual stuff. Classic. Ouais. Puis là, she's actually run away. He knows. She's in New York. She's hanging out with one of her new boyfriends, whose name is... I forget your nickname. Blade. No, c'est ça. No, Spider. Son nickname, c'est Spider. C'est le crackhead. C'est Clark, oui. C'est Clark, le crackhead. Yeah, non, come with me, honey. You're gonna have fun. Son boyfriend s'appelle... S'appelle Spider. Spider Mike. Spider Mike. Ok. Dans Spawn, ça. Pis ils sont dans une. Ils sont allés dans un party, genre à Manhattan, genre un party underground dans une. Freaking rave. Dans un sous-sol arc. Lui, il sait où est-ce que c'est, but he doesn't live in New York, so he can't go and he calls you because he wants you to, you know. Est-ce que vous êtes à New York? Grab out. Ouais, mais moi je travaille dans le club Apocalypse. Nous autres, on n'est pas à New York. Non. Pas en tout, on est en Virginia. C'est un club. You know where it is, you can get there easily, but you think you're probably going to need some backup. Are you going to call your... Joey? Your ex-squaddy guys? Si t'avais besoin d'aide, qui Finley appellerait pour venir l'aider? Ben. Son squad. Mon squad, mais mon squad, il habite à New York. Non, mais il y en a peut-être. Il y en a peut-être deux qui sont within reach. Il y en a deux. Ok. Max. Yeah. What's. C'est private quoi? Oh shit. C'est Private Gonzalez Gonzo. Private Gonzalez? Ok. Private Gonzo Gonzalez? Gonzalez. Okay. C'est quoi? Okay. Son nickname. C'est Gonzo, ok. M'en faites pas. Mon nick, c'est pas Gonzo. Ok. So, Gonzo, is Gonzo still in active duty? Ou est-ce que genre il a quitté les Marines puis genre il a une job normale? Il est réserviste puis genre. C'est pas, c'est un garagiste à quelque part. Ok, c'est un garagiste. C'est qui ça, Gonzo Gonzalez? C'est mon teammate. C'est un de ses anciens squads. Ok, puis il est vraiment genre. Comment je peux dire? Il est vraiment stéréotype. Ok, c'est vraiment stéréotype. Pour que ce soit plus facile pour moi de jouer. Essaie! Parfait. Puis le deuxième squadmate que you get in touch with is Corporal what? Corporal Donahue. Corporal Donahue, ok. Is Corporal Donahue still in active duty or not? I would say he's still... Non, je dirais que non, il est plus réserviste pendant tout. Il est devenu un civilian contractor, mettons. Là, okay. Mais il va tout le temps au VA. Ok, parfait. Il travaille en sécurité, là, mettons. Ouais, mettons. Mais il organise vraiment des rencontres de VA puis tout. Là, ok, parfait. Il prend fait que, yeah, so you go to the rave, the underground illegal party with your two buddies. Je sais pas ça fait combien de temps vous êtes vus, you guys can introduce yourself. Ben théoriquement, si t'es dans ton ça doit faire au moins 15 ans qu'on se connaît là. Oh, ça fait longtemps qu'on se connaît, mais ça fait peut-être 20 ans. C'est quoi ton nickname? 2-3. C'est quoi ton nickname de Marine? Moi c'est le Doorman. Je suis le doorman. Le doorman, c'est ça ton nickname, oh my god. Ma job, c'était... He's always the first one through the door. Il y avait le shotgun. Non, mais non, ça s'appelait Point Man dans ce temps-là. Doorman! Hey, doorman. I'm doorman. Hey, doorman, how's it been? Hey, Gonzo! Alors. C'est quoi ça, father? Yeah. How you doing, Gonzo? Donahue. Gonzo. How you doing? Ah, not so great. That bad. Right? Had better days. It's tough at the VA, you know, people coming in with PTSD and all that shit, coming from the war. I know what you mean. No, it ain't easy. I know what you mean. Gotta deal with it, you know? Yeah, I'm still just fixing drugs. So what's going on with your niece and all? Well, that's what I said. My niece, she got in trouble. She started hanging around with the wrong crowds. Nah, that's not good. Jackass. Especially your young niece like that. Don't jackass like little pimp. So, yeah. So we gonna kick some feet in, brother? Something like that, yeah. You gotta kick those asses, man. I figured... Can't tolerate that kind of shit. A little muscle wouldn't hurt. Fuck Harry, yeah, we're here to back you up, man. Thanks, bro. Mr. Dolman. You know me, brother. We're blood. Yeah. Okay. Fait que vous allez au party. The music is very loud. Il y a comme pas vraiment d'éclairage là. C'est vu que c'est genre fait dans un sous-sol abandonné. There's a lot of young people, a lot of older, creepy-looking people. One super old guy qui est super creepy. Mm-hmm. Genre du monde pass out sur des sofas là, puis people are doing coke, are smoking, whatever. Awareness pour essayer de spotter Kelly. Go ahead. Actually, wait a second. Okay. What is Kelly doing? she's on a couch somewhere, sitting with two, three different people. A needle like, in her arm. Non, mais tu sais, elle a l'air genre comme un peu là son. She's high. À moitié, je pense c'est ça. Elle va partir un petit peu là. Okay, that's man influence right there, and buddy. Bust out. Fait que, yeah, Finley can do this for easily. Nope. Damn. No, okay, I okay. Yeah, you can notice her. Definitely. I notice her. So. All right, so she's surrounded by a few people. You guys stand out. Je l'ai-tu déjà vu? Oui. OK. Oh, oui. Nous prenons pas compte de courir, là, avec ça, comme, les scores dans la face. Tout le monde, c'est comme, you guys stand out. Mais tu sais, il y a du monde qui vous remarque. They seem to whisper to each sober, other. Those guys are sobers, man. Ça, puis comme... I'll try to find the spider guy, essay. Je m'en vais voir le barman. Il n'y a pas de barman, là. C'est genre, c'est bring your own booze. Autour d'elle, il y a l'air d'avoir quoi? There's three other people. One of them looks super shifty. Sure. That's probably is it Spider. The boyfriend? That's probably Spider Mike. Il y en a un autre qui est un petit peu plus grand, un petit peu plus beef là, genre un black là, comme butch fur là, puis je sais pas, il est en train de. He's drinking something out of a genre comme une bouteille de bière mais qui a pas, tu sais, comme une grosse chaîne mais pas d'étiquette. Puis what does the third guy look like? What does he look like? The third guy. The third guy. Like an asshole. He's small and shifty and has a shiv in his hand. Non, justement, non, l'autre, c'est une... ouais, c'est une fille. And she's definitely high and twitchy. High and twitchy, hein. All right. Got him good. Ils sont comme autour d'elle, carrément. Ils sont tous en train de hang out ensemble, comme à l'entour d'un beat-up sofa, là. So, go ahead, Finley. What I'll back you up, Finn. Okay. Kelly. Uncle Chuck, what are you doing here? Get up. What? Get up. What are you talking about? Get up! No, what's that about? Why are you... Je la grab, je pense à la tirer. Okay. Moi, je scream, je scream quand il fait ça, là. The fuck, man? Je réponds pas. Je fais juste la grab et puis tirer. Hey, I was my friends here. Okay, je vais demander à... Dans le fond, Finley, ça va prendre un alertness. Okay, là, faut le blague. Tabarnak! Fait pas une autre day, là. Oh, c'est ça que je vais faire. Au moins, je l'ai coché. Non, j'ai pas eu. Tu l'as pas eu, parfait. OK, les deux autres soldats, ils ont chacun 30 en alertness. Let's go, les boys. C'est vous autres, ça. Je l'ai pas. Je l'ai. Oh, yeah! C'est toi qui avais acheté les murs. J'en ai mangé 3. Ah, c'est pas grave. Sorry. Ah, c'est pas grave. Je pensais que c'était moi qui les avais achetées. Non, elles sont bonnes. C'est sont super molles. Mm-hmm. Gonzo Seas. OK. Le big black guy, il fait un move. Il s'en va vers Finley. He's probably gonna either stop him, punch him, something. Moi, je me mets entre les deux. Alright. What you doing, Holmes? T'as combien de Unarmed Combat, toi? Unarmed Combat, beaucoup. T'as beaucoup, toi? Okay. À la base, t'avais combien? Ça en fait-tu genre 40? À la base, 60. Base? Ok. Fait que eux autres, ils ont 40. So we're gonna. We're actually gonna go into. A fight? Combat! Well, if you want, t'es ta pause physiquement. Ben, c'est sûr, je vois le screen, là. S'il y a fucking Spider qui se lève aussi, right, c'est sûr que... 25. You better go 25. Down, boy! 25% de, persuade, le genre de... 29. Oh. Non, le gars, il est comme, get out of my way, man. I'll kick your teeth in. We'll see whose teeth get kicked in, bro. OK, fait que t'as quoi? Ben, du 40 de unarmed. Let's go, vas-y. Straight up. 16, je l'ai. 16, parfait. Fait que là, il est dans un grapple avec, sont en train de se puncher. La chick, elle sort un switchblade. And she's going for Gonzo. What does Donnie do? Screen, là. C'est sûr que je vais la screener. Bad do that, don't do that, honey. I'm gonna stop you, might hurt yourself. Oh, okay, je fais un haymaker là, bam! Parfait, fait que la fille elle se lève, Donnie Who il move, pis il a jab avec le blade of his hand directement dans la gorge, ça fait juste tomber par terre. Pis qu'est-ce que Gonzo il fait au black guy là? C'est. They're civilian, tu peux faire ce que tu veux là. Moi j'ai stare down, les autres sont sur le sol. Donc you better not move, guys. Genre je le punch dans le plexus pis je le crisse à terre genre. Parfait. Fait que juste pour le mettre HS là pis pas le tuer genre. Pendant que ça se passe comme. T'es juste en train de faire une clé tête là pis c'est comme I got it Sarge. It's okay Sarge. C'est bon. Là, comme il y a les jambes qui kick, puis comme ils kick moins, puis là, ils deviennent tout mou, là. Tu fais pas un dernier jerk ou. Non. Fait que. Non, lethal. Spider Mike looks a little unsure of what to do, ben tant que ses deux cronies sont déjà taken down. I'm gonna do something, man. Les deux, on se retourne. You better stay on that sofa, you're gonna hurt yourself. You know it. Well, essay. I think he's gonna hurt himself even if he stays on the sofa. Yeah, there's always that possibility too, don't you think? Je continue à draguer Kelly. That drag out, what does Kelly do? What does Kelly do? She screams like, Ali, la fille est tombée par terre. Don't worry, no, no, she doesn't get to touch. Oh, no. She doesn't get to touch. Chuck, why? What happened? What are you doing? You know. Is she hitting? Is she hitting her uncle? Mais tu sais, genre, fait une espèce de slap de genre. Ah, mais she's freaking high, là. She can do anything. She can just jerk around. Non, c'est ça. Puis même à ça qu'elle fait, mais jerks around. Genre, les yeux un peu cross-eyed, là. Fait qu'il y a quand même. Puis, ok, t'as-tu persuade ou. J'ai un peu persuade. C'est quoi? Je vais te demander. Strength times 5. Strength times 5. Ouais. Got it. Ok. En fait, une deuxième fois aussi. And I'll tell you. Got it. Okay, so you drag her ass outside. Pretty much. Juste comme tu commences à te lever, tu commences à t'éloigner un petit peu, puis là, Spider-Man commence à se lever, puis là, tu fais, Finley turns around and just goes, don't. Okay, c'est ça. And that's your scene. Nice! Okay. Pretty cool. So that's that. Nice. Okay, there are army guys qui le flanquent en regardant. Nothing to see around here. Go back to your business of shooting nobody yourself up with shit. Non, le monde faut juste comme fuck it. Ils sont freaking high aussi. Ils sont freaking high pis ils viennent de voir. Ça pis le fait que comme dès qu'il y a un weapon qui est sorti, la personne elle a juste crumble à terre là. Alors, on est des anciens Devil Dogs là. C'est ça, quand même. Un lucky shot, mais nice one. Ouais. Nice lucky shot indeed. Yep. Nice. Alright. Ok. Je me dis que je la ramène à mon appartement après ça. Sure, she, you know, elle détox là, pis t'as. Un force detox. T'as mis sur un Greyhound bus, pis elle retourne au. Je sais pas, au Minnesota, là, whatever. Wisconsin. Wherever she's from. Ah, ok, les deux, vous aviez eu deux, right? Hey, j'ai fait un petit talk avant, là. je l'amène dans un de mes AA meetings, Wow. Ok, j'y montre le crackhead, là, Chris. Clark. J'y montre Clark le crackhead, puis j'y montre, gars, Yeah, you just might end up like me, honey. Wouldn't you like that? Puis il y a comme, il y a juste une dent. Oh! Une palette. Overkill. Une brune, genre. Ouais. Alright. Ouais, pas de salicher, genre. Fait que vous deux, vous aviez eu deux, right? Yeah. Ok, je vais vous demander de rouler vos D6 pour savoir c'est plutôt à qui. Oh! Oh! And again! Six. Oh, alright, Devro. What happened? What happens to Devro? Ok, elle a quel âge déjà ta petite fille? Là, elle doit avoir 3 ans, je te dis. 3 ans? Ça, c'est un petit bébé. Ça marche pas. Can she be a little older? Bah, oh, bien sûr. Faut qu'elle soit au moins en maternelle. Ah, ok, on lui a donné 6 ans. On a donné 6 ans? Ok, parfait. Fait que, today is the teacher-parents meeting. Let's go. This will go well. PTA. Parent-teacher. Actually, tu veux t'asseoir dans le bord ou ça? Ouais, sure. Is she going to play my wife or something? Yep. I'm going to call you Don from now on. Don? Sorry about that. C'est ton prénom, c'est quoi? Oh, Stephen. Steven? Steven. C'est genre... Non, c'est pas Steven, c'est vraiment Stephen. La façon, ouais. Parce que moi, je viens de nouvelles... genre... And she has don't be a bitch. The problem that she's biting children, so, and you just run. Okay, and this you got is bit. You got bit. This is Mr. What's the teacher's Garfunkel. Name? Mr. Garfunkel. The kid of kindergarten teacher. Garfunkel. Okay. Ça fait peut-être 2-3 fois que Devro rencontre le kindergarten Mr. Garfunkel. Garfunkel. Mr. and Mrs. Devro. Thank you for coming. Hi. What's going on, Mr. Garfunkel? Why did he call us here? I'll go straight to the point. Well, your child has been manifesting some very, let me say, how can I put it delicately? She's just 6. How much trouble can she be? Well, she's very aggressive during class sessions, and she's been to the extent of biting other kids. Oh my God! Yes, she but that's has. Not... I'm not surprised at all, you know? When did that thing happen? Did you see that? Well, maybe, no, of course, I mean, she's always by herself, and I'm like... She bites herself? She always herself, not bites herself, she's by herself. Okay, she's by herself, yeah, that makes more sense. She's only by herself, but... She's by herself, and I mean, even though I'm here, I mean, you're never here, you're never home. Yeah, how can I really do my best. No, but really, like, I know, I'm really sorry about this. I didn't know how bad it was. If I may intercede, I think a fatherly presence would be a very good thing for the little... Yeah, understand it. What's her name? That's right. What's her name? Emma. For the little Emma. And yep. I have professional duties at the FBI, I can't just... be home more often. But Emma loves you. I know she loves me. I love her too. And she needs to have her father. Because I know that. I'll talk to her. See what I can do. But it would be very much appreciated. But I'm sorry. It's not just about talking to her. It's about being there for her. Being a father. I mean, of course, I agree completely with your wife. So. You see, I mean. I understand. Even though you say nice words, it doesn't mean anything if you're gone the next day. Like, I can't do this. Your actions will prove better than your words. I'm sure about that. But is there going to be any consequences for? Well, for now, that's what I wanted to speak to you about. Actually, we're thinking of putting her out of the class for some times, because... It can't be good for her. Out of class? What are you going to do with her? I understand, but still, the thing is, she cannot... It happens so often that she cannot... You're not going to put her in a special class for special needs kids or something like that? Is this going to be more expensive? Should we go see some experts? Will we have to pay more? Well, if she continues with this kind of behavior... I'm very sorry, but we might have to expel her from the school. But she has good grades. She's a good student, generally. What? She's in kinder fucking garden. You know, she has A in coloring. Still, she's 6. She has potential. Well, Don't worry, honey. We'll find a solution for her. We'll put her in another school if we must. But believe me, Mrs. Devereaux, don't worry. We're not there yet. But it might come to that. If it doesn't change. I can't believe this. We found a new school. We can't afford it. No, we can't afford it. Don't you know? I almost never work because I need to take care of her. Still, I'm due for a promotion sometime soon. Maybe we can get some money. Ah, Okay, roll persuade, because that's a lie. Non, comment ça, Asti? C'est pas pire persuade, en plus, c'est zéro. Oh! Oh! Oh! Je le vois pas assez souvent, fait que c'est juste excellent. C'est juste excellent. So, well, I mean, it must be because... It must be why you're never there, because you work so hard. I'm sorry, but it's just like... You're the right, money's honey. Not. I mean, if you're not here, the money can't really do anything by itself. It's not going to be enough for me. Yeah, I need more. Is there a way that you could take a sabbatical, maybe? Maybe sometime in the future. Right now, I must work to get my promotion. But I understand. But it's always. And you think maybe... it's going to come soon? I don't know. Man, your wife I'm working is a on bitch. No, man. C'est pas tant que ça, c'est réaliste là, ce qu'elle dit. Fair enough, là, yeah. Là. All right. Elle a pas tort, là. So that was the parent-teacher meeting. Ok, moi je peux-tu commencer maintenant à chercher well. Pour special aid? You did well. You did well, thank you. Thank you, sir. Ok. Good performance. Parfait. Pour la prochaine, il va avoir besoin de toi, Max, aussi. C'était con. T'es bon pour faire une... Ça a l'air que c'est naturel. Ouais, c'est ça. You're a natural bitch. Natural bitch. Parfait. Fait que... mother, man. Mother, ça fait tout pour son kid, là. A few months later, you get a call. Who? On your, you get a call. I get a call. In the middle of the night. It's like 2 or 3 a.m. in the morning. And it unfortunately it wakes your wife up and she says... She's getting what? A call at 3 a.m. Okay. How are you? Sakes, are you kidding me? Sorry, honey. I'll make it quick. I'll do a quickie afterwards. Comme tu peux t'enfermer dans la salle de bain, tu peux te revenir. Can you at least go in another room? I don't mind. Yes, don't worry about it. I'll be quiet. All right. It's a call from... I'm gonna need your input. Donne-moi our code name, the Delta Green Agent, qui commence par... Johnson. Jackson, genre près d'original. Jones. Agent Jones, okay. It's Agent Jones calling, Jones and apparently something really bad happened to J-Cell. One of their members is injured because of... an unfortunate accident? Extraterrestrial kinetic force. Okay. Mm. It's been smashed to pulp, apparently. So J-Cell is currently holed up. They broke in. They broke in. Je sais de voir. Ok, non, ils ont break in dans une clinique vétérinaire. Okay. Ils ont break in dans une clinique vétérinaire. One of their agent is very badly hurt. Évidemment, ils n'ont pas de medical expert. Nope, they need your help. They need you to drive out to the middle of nowhere in the middle of the night to help him. Moi, c'est 2 mois plus tard. C'est pas genre la journée d'après là, non, qu'on a la discussion. That would have been bad. That would have been real bad. God. All right. So, okay, ben, je drive out. Je vais voir rapidement. Je vais faire mon cheap shot. Je vais laisser un message à ma femme sur le frigo. C'est vraiment cheap. Qu'est-ce que ça dit, le message? Sorry, honey. I had to go out for the job. Student needed help. Be back soon. All right. You're behind the door. You see him, you know, arriving. He's in his car. Tu sors dehors. Il ouvre la porte. J'imagine qu'il cogne à la porte vitrée de la clinique vétérinaire. C'est quoi déjà ton code name? Mon? Ton code name. C'est Foster. Foster. Go ahead. Agent Foster. Yeah, what's going on? Come in. Ah, I need to get on my bed for that goddamn shit. Come on. Hurry, get in. Ah oui, je rentre, là. OK. Comme la fait que vous allez, dans le fond, dans comme la pièce où c'est que d'habitude, comme ils ont genre comme une table en métal pour comme mettre des chiens. Puis là, il y a juste comme un agent qui là, il y a un gars qui est pass out, qui a l'air un peu blanc. He's got blood, and some of it looks like it's not his. Il y avait probablement une veste par balle par-dessus parce qu'ils ont comme découpé ses vêtements puis ils ont comme tout crissé à terre à côté. He's slowly bleeding on the floor. In the corner of the room, il y a un autre agent qui s'appelle agent... Thomas. Ah non. Jay. Jerry? Johansson. Let's go with Jackson. Jackson. Jones. Jones and Jackson. Jones and Jackson. Okay. who does Jackson blame for his... C'est Agent Jerry qui est sur la table, who's been your long-time Delta Green friend. Mm. Who does Jackson blame for Jerry's injury? Himself? Jerry? The leader? You blame yourself? Okay. C'est pour ça qu'il était justement assis dans le coin et qu'il parle pas. Ok. Fait que y a c'est dans le coin, guy. Il a la tête entre les mains. Shit. Alright. C'est dark. What happened here, fellas? Moi, je rentre bien rapidement, je me mets juste ma mallette là, sur je le. Vais, ouais, je vais te demander juste un sand check, s'il te plaît. Sand check par rapport à quoi? Au sang bleu? À tout ce qui se passe, là. Oh, 06. J'ai un bon score aujourd'hui. Parfait. Ouais, dans la case, quand tu tournes la page, tu vois, il y a une case qui est marquée Helplessness. Ouais. Tu peux mettre un petit check dedans. Check! Ok. Alright, so you're gonna help the injured agent? What happened here, guys? Moi, je débarre tranquillement mes petits trucs, là. Fait que... So, yeah, what happened? Somebody got shot or something? Talk, people, talk. Not shot. He got hit by... Okay, you're no help. J'examine le corps moi-même. All right, je vais te demander medicine. 19, là, l'enquête. 19, parfait. Ouais, on dirait qu'il s'est fait comme... You need any help, man? It looks like he's been dropped from a very high vantage point. Comme s'il était genre tombé en bas d'un building. Ouais, il y a des caved-in. Ben, comme, il y a beaucoup de fractures. Il a l'air magané en crise. So, did he fall from somewhere or something? No, man. What was it? What attacked your friend? I could have saved him. It could have been me. Non, man. Get a grip, man. Do shit. Je peux-tu faire un psychologiste? It should have been me! S'il est vraiment affecté, genre. Shit, non, c'est, t'as même pas besoin, je te donne gratos. Yeah. He took the hit in my place. It should have been me. Alright, so you're. Je fais un medical check à nouveau? Still, we got out. Yeah, I guess, but. Tu l'as? Maybe he's not gonna. He's still fait que. For how long? Fait que Devereaux travaille sur le gars pendant peut-être. Une heure et demie, patch him up. Une fois, il tombe en arrêt cardiaque, puis tu vous le repartez. Là, je sors mes petits portables. ok, bien sûr, j'avais ça avec puis, moi. Yeah, you actually do save his life, and they're very thankful. And God, made it. Thank you so much. So, did you guys have a mission or something that you completed, or did you at least complete the mission? Did we come? we got out. You need backup? We got out. You shouldn't get in. I call a cell. Bunch of incompetence. Je vais te permettre un des quatre. Big. Mais en fait, c'était comme un des deux de regagner de sanity. Là. Oh, nice. Because you saved the guy. Fuck you! Oh, un des deux, ça veut dire deux. Oh, nice. Je vais cacher dessus. En plus, c'est ça que j'ai marqué. C'est lui qui a le plus de something likable. J'étais un healer at heart. Ça fait. So yeah, you saved the life. So you feel good about yourself. Fucker. Alright, and those were Devereaux's scenes. Est-ce que j'appelle ACL pour leur dire qu'ils ont un ACL? Ils vont s'en occuper. Ils vont s'en occuper. Alright, Johnson. Tap in the whatever. Ah, puis évidemment, je reviens le plus tôt possible pour comporter ma femme. J'arrive-tu avant le matin ou. Non, c'était trop loin. T'as-tu drive auto? Ouais. Alright, let's go. Ah, oh, 37, c'est moi qui est ça. Non, t'arrives pis elle est comme en train de finir de déjeuner avec genre la petite fille à la table pis elle est comme Where were you, daddy? We watch cartoons! Sorry, I had work to do, honey. Are you okay this morning? Blah, blah, blah. Ah, bah, mais. Oh. C'est dark, là, ça va mal dans la famille des Devereaux. Solide. Ok, Johnson. Comme besoin que tu vas revoir Garfunkel dans pas longtemps. Johnson, you get a call from ACEL. You have to go to the FBI main server room, and you have to... And they, comme ils donnent genre des files qu'il faut que t'ailles déliter. Deleting evidence, never good. Ok, fait que pour se rendre au server room, la place qu'il faut que tu passes, faut que tu passes devant comme un desk quelconque. Puis assis là, il y a Probationary Agent. What's the guy's name? Hargreaves. Alright, he's there. Tu peux pas comme. Tu sais, t'es pas supposé rentrer dans cette pièce là. Qu'est-ce que tu dis au gars pour passer? Hello, sir. What's he doing here for? Hey, Broby. Il travaille avec toi. super suspicious, là. Are you a terrorist? Are you a terrorist? Are you disguised as my friend? Have you or anyone in your family ever been... Hey, Broby. Need to come check in some information that the Bureau wanted verified. Do you have an official authorization? Sure thing, buddy. Qu'est-ce que tu utilises comme skill? C'est ce que tu veux. Persuasion? J'ai du persuade. Pour faire un jet de bureaucracy pour savoir c'est qui mon boss pour dire qu'il m'a déjà donné une autorisation. Non, je vais te persuade que j'ai l'autorisation. You don't need to see my paper. Would I really be here if I didn't have the authorization, please? Buddy, come on. Would I really be down? Would I have fucking dragged my ass? I am just a probationary agent. Oh, no. 90. I just do what my superiors... It sounds like bullshit. I got to call my superior. Sorry about that, agent. All right, I'll show you. It's by not the case. It's a joke. It's because she persuades. Parce que je l'ai fait. Ben sinon, c'est quoi? C'est j'ai utilisé computer science avant pour create un fake document pour fake document internet. Sure, why not? Est-ce que je roule mon computer science? Sure. Fail! Oh! Je l'ai. Parfait. Fait que, ouais, il a printé un requisition form, puis it looks all in order. Hein. Je fouille dans ma poche, qui est genre fucking loin, puis genre. Qui est pas vraiment loin parce que je suis juste en dessous. Alright, sir, do you need help navigating these servers or will you be alright? I'm familiar, Proby. Okay, just call me if you need anything. Stay seated. Enjoy the day. I'll be here slowly dying. To love it. Nice. Geeks for life. Fait que, ouais, tu donne-moi un autre computer use puis ou computer science ou. C'est computer science. Je l'ai pas, celle-là. Ok, fait que t'es pas mal sûr que t'as délité tous les fichiers. Il va peut-être rester des traces quelque part, maintenant dans les temporary files ou dans le cache, mais juste comme tu commences à faire ça, il y a quelqu'un d'autre qui rentre dans la pièce, puis t'es comme logging off. Not that was not very thorough of you. And that's your short scene. Sorry, that's all I couldn't think of. Okay. Ours was cooler. Second scene. You are down in Phoenix. Phoenix. Going to see your hanging out with your cousin. Jebediah Johnson. And Yash. Jebediah ou Jebediah? C'est genre chasser le possum là avec. Something some possum. Chasser le poisson là. Possum. Ah, possum. Ça va chasser là avec ton cousin puis en revenant t'en profites. J'imagine que tu vas passer voir Colorado. Morley. Morley c'est son chum. Ouais, mais là Morley he's working. Ouais, Morley c'est rendu le nouveau chief. Okay. Le Hakaki Chief. So, Colorado, c'est plus là. Fait qu'il est sound friendly. You go to Colorado's house. Je vais te demander, t'as-tu psychology ou quelque chose dans le genre? J'ai psychology. Ok, j'ai 10%. Tu peux roll psychology. Non. Je manque de 10. T'arrives, tu sais, bon, tu t'avais déjà appelé Colorado pour l'avertir. Il est assis sur son perron de. C'est genre une petite maison comme ça. C'est vrai, il avait juste retired, non, c'est ça. Ouais. Ben, il était il avait été retired. Il avait été retired. Il a resigned. C'est fait retired. Ouais. Puis, he doesn't look so good. He looks very tired. He looks sort of depressed. En arrivant, tu réalises que juste dans son driveway, comme en avant du balcon, il y a quand même beaucoup justement de canettes de bière vide ou de bouteilles de bière vide. Tu sais, qui sont juste probablement. Comme, c'est probablement qu'il boit sur son balcon puis qu'il fait juste les pitcher dans son yard. Là. Sur l'étiquette, il vient jouer dans son yard. Go away, you freaking kids! Yeah, he's seen better days. Get away he's from my seen life. He's definitely seen better days. Sad. He's seen pretty hardcore stuff. Master. You walk up to him. What do you say? He did see the agreement too, eh? C'est quoi son prénom déjà? Magnus. Magnus. Hey Magnus. It was called Magnus. Hey Magnus. C'est quoi How's it been? Je sais pas, c'est qui Colorado's? It's been a pretty long time. How you doing? Alright. Ben, dans le fond, non, je vais le faire au pire. Ouais, fais-le donc. C'est plus quoi son nom déjà, Daryl? Daryl. Hey, Daryl. It's, yeah, it's been a long time. Daryl. What's going on with you, boy? Well, I finally managed to heal up my leg. Ah, that's good. It's all dead now. Can run like the old days again. Alright, you want a beer? Sure thing. Là, comme il y en a juste une dans un cooler à côté de lui. Là. Cause, you know, it's Arizona. It's dans son des gros cooler à côté de lui. Là. Oh my god. So, yeah, mind if I sit with you? No, yeah, go ahead. Just, you know, pull up a chair. Je vais bencher sur un cooler vide. Fait que pendant plusieurs minutes, il dit rien. He's just kind of staring into nothing. And, je vais te prendre. T'as alertness? Donne-moi un alertness. C'est moi qui ai le meilleur en alertness. En prenant ton temps, moi aussi. Je l'ai pas. Je m'en suis même pas mis. Moi aussi. C'est vrai. He keeps drinking and he. Yes. Comme, tu sais, le temps que Johnson finisse sa bière, Colorado, il a probablement bu 3-4. Puis. Vous avez des bons pertes. Moi, je l'aurais keep up. And, you. I was thinking about that that thing we did, you know, the. That thing we did? That thing. Yeah, that we must not talk about? You said. I would have answers, but all I have are more questions? Nightmares now, and just more questions. I mean, all those, you know, when you came here at first when we met, all those men under my care, all those men who trusted me and who died because I couldn't protect them. Yeah, that must have been pretty traumatic. You're not there. And things are not getting better. There are no answers. There's nothing. Is that bad? Look at. You're not what I've been looking for too, brother. Answers. Yeah. And all the answers we find are more questions. But I've been meaning to ask, what happened in the hangar? None of my other colleagues didn't tell me what happened. All I saw was a strange being walking down the corridor. Puis, en fond, Colorado, il répond pas vraiment, il fait juste comme. Il se penche, là, puis. Prends mon bien, puis il calme. He's fiddling with something. A police cruiser comes by. Turns in the street. Hey, Morty! You know? Gets in the driveway. Two officers come out. There's a Sheriff Morley. And. County tribal police officer Clearwater. Parfait. Clearwater. So who wants to be Morley Clearwater. And who wants to be Clearwater? I'll be Clearwater. Okay. I'll be Morley then. Fait que Morley, ça fait un bout qu'il connaît Colorado. Ça fait très longtemps qu'il connaît Johnson. Morley, c'est plus le gars d'expérience. Clearwater is kind of new on the force, and he really looks up to Morley. Morley is like his older brother. Pourquoi est-ce que la police ils ont été appelés pour aller voir Colorado's? Pourquoi? Yeah. Sûrement pour qui what was Colorado's doing that someone called the cops? Maybe shooting some cans. All right, perfect. Ah, il voulait pas le consulter pour quelque chose, hein? C'est ça. Hey Magnus. Oh, hey there. We're gonna talk. James. Hey James, what can I do you for? We gotta talk about these cans of yours, and these guns of yours, and the things you do together. Oh, you mean these cans? Puis il y avait un gun là avec lui, là, puis comme il tire une des cans qui est dans son. We had some complaints on the reservation regarding this. Parle qui parle. Jesus. Yeah, exactly, God. That's what I'm talking about. We had some complaints on the reservation regarding this. The council's not happy. Like you said. The council! The council! Stop shooting guns! Okay. So I gotta ask you to hand me your guns. Fait que là, Colorado se lève, pis il est comme, you just go on and, you know, do what you have. Go back to work. This is. Pis il est clairement pacté. Genre, il titube pis tout, là. Pis là, moi, je me lève, pis je fais juste. Come on, Chief. He just needs some rest. He'll be okay in the morning. You know how this goes. He's in public danger. That's what he is. I know what you mean, but the thing is, he's a freaking public danger. Yeah. My hands are tied. He needs to be stopped. Right? Lands a time jump. The council will not stand for this. Excuse me. Calm down, Clearwater. Calm down, please. So I want to do this quietly. Okay. By the way, Morley, I've been meaning to ask. Who's the new council now? Chief Quiet Buffalo. Yeah, that. C'est super Quiet Buffalo. Whatever. Fait que, yeah. So, what are they gonna do? He's not gonna give you his gun? Bon, bah, search the house, no? Come on. Please, Magnus. Please. Don't make me do this. I could have done so much more. I could have... No! You know, they're all dead because of me, Morley. They're all dead because of me. Mais je fais un pas vers lui, tranquillement. Ok, fait que là, Colorado se pointe son gun vers Morley. Qu'est-ce que... Oh, shit. Ben là, je dégaine aussi. Don't do that. Put it down, Colorado. Clearwater, put the gun down. Hey, put it down, la Suazie, put it down. Put it down. And the last is law enforcement agent. Let me do my job. Ok, fait que tu disais Johnson s'approche? Je regarde, je fais juste Yo Magnus, you're new on the force. C'est pas eager, mais c'est pour ça que moi, whoa, calm down. Colorado, si. Magnus, please. He caught the hammer of his gun, go click, play point at Johnson, puis comme You stay away from me, boy. Hey, okay. J'avance un pas encore vers lui. Ok, tranquillement, c'est vraiment, vraiment. Moi, j'ai mon gun comme ça, là, vraiment. J'ai les deux mains. Ok, combien de. Moi, je marche tranquillement vers l'opposé d'eux autres pour que lui me regarde, puis qu'il commence à plus regarder eux autres. Ok, je vais te demander. Les sous, là, c'est facile de distraire. Je vais te demander un Dex times 5. Dex times 5. Ou, t'as le choix entre Dex times 5 ou. Non, je vais te demander un Unarmed. Unarmed. Je le fail. Tu le fail? Je le fail. T'as-tu du honneur? Tu t'approches de Colorados. Tu t'approches de Colorados, and Colorados looks at Johnson and says... He says, I'm sorry, Daryl. I wish I could have been stronger. I wish I could have done more. And he shoots himself in the mouth. Come on, je savais. Come on. J'essaie de m'approcher pour ça. Au moins, ça n'a pas été suicide by cop. J'essaie de l'empêcher, je m'approchais de lui. Ah, j'aurais pu l'aider en faisant suicide by cop. Je peux pas. Je vais. Ben là, les enfants, eux autres, on s'en fout, ils vont perdre du sang. Je vais demander un sand roll, s'il te plaît. On parle à ça. No! C'est mon mentor! Là, lui, le mentor de son mentor est mort! Ok, attends, je vais. Comme Qui-Gon Jinn qui meurt! Non! Puis je suis Obi-Wan! Puis Anakin! Qui-Gon! Tu l'as pas? C'est. Wow! Je vais te demander un des six, s'il te plaît. Oh, God! C'est watching a friend gruesomely die. Ah, j'avoue aussi, Chris, moi, j'avoue. Et voilà! Qui était la raison pour... du permanent damage à cause de ça. C'est la raison pourquoi je t'ai dit de pas prendre Colorados comme bond. Parce qu'il allait sûrement se péter la tête. Ben, c'est un des 20 quand t'as un de tes bonds qui meurt. Oh my god, de santé mentale, là. Sweet, là. Oh. J'aurais été perdu à sauf Delta Green, j'espère. Hey, puis j'ai-tu des nouvelles, moi, de directeur Hornmeyer, que j'avais mis comme un. Tu dis qu'il avait le cancer, j'ai juste appris trop tard. Ben, je disais, comme tu sais, il est en thérapie. Il va être correct, ouais. C'est juste que t'es pas allé le voir. En théorie, est-ce qu'on est des bandes les uns des autres? Des quoi? Les uns des autres. Ben, on les a pas mis, non. C'est Delta Green, non. On est dans Delta Green. Ok, so those were your director scenes. Là, je sais que c'était un petit peu plus long à commencer, puis tout, mais à chaque game, je vais en faire une par personne au moins. Juste pour ça permet de développer le caractère. Qui parle avec moi, c'est ça. Ok, so, you all get your usual briefing from ASL, un email, un téléphone, whatever.